et au royaume de la nouveauté. C'est magnifique, c'est beau, c'est chaud, c'est Galaxo. En plus, ça s'appelle L'Usine avec Push, le Ghostly International. Et croyez-moi, quand je dis que c'est le bonheur, juste avant, il y avait John Talbach, et juste avant John Talbach, il y a encore une news avec le Swezak, le Smile et le Receive. En tout cas, bienvenue à bord de ce vaisseau intergalactique. Vous partez du côté du standard pour gagner, en tout cas, on l'espère pour vous, l'entrée de votre choix avec des soirées. Mais je le dis, magnifique, ce sera un week-end de féerique dans toutes les discothèques. On fêtera plein d'anniversaires, on fêtera plein de bonnes choses. Ce sera au Bliss, à la Bûche, à l'Escape, à la Jozo et au Pulse Factory. C'est gratuit, c'est sur Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Maintenant, jouons au 20-83-57-57. Au 20-83-57-57. Et vous foutez le bordel après le bip sonore. Come on, come on. If you're ready to party with us, say yeah. Throw your hands up. Galaxy 95.3. Avec le Lidiv qui nous permet tranquillement d'atteindre le cap des 8h30. On vous parle tout de suite de 20 ans de découvertes archéologiques jusqu'au 16 décembre au musée des arts et traditions populaires de Waterloo. L'occasion unique de découvrir les trésors enfouis dans le sol de Waterloo et également de la région Nord-Pas-de-Calais à travers les objets, photographies, documents multimédia. L'entrée est libre. Renseignements pour toute information évidemment 03 20 81 59 50. On vous parle également de bonnes choses avec le cabaret du bout du monde. Ce sera le dimanche 23 septembre à la salle de spectacle de la Maison Folie de Oisem. Texte, chanson, pantomime pour une pièce jubilatoire, décapante et festive à la fois. Évidemment, plus d'infos, Maison Folie de Oisem, 03 20 78 20 23 ou alors directement mairie-lille.fr. Également, bouger, c'est la santé avec le réseau Cœur en Santé qui vous propose des balades évidemment toutes les semaines. Si vous désirez vous y inscrire, c'est simple. Vous appelez le 03 20 01 56 35, vous demandez Mme Mademoiselle Bérangère ou directement sur le site corpsensante@wanadoo.fr. Mais dans l'immédiat, vous partez du côté du standard. Vous désirez partir en boîte, c'est simple. 03 20 83 57 deux fois. C'est tout de suite. Galaxy. Don't stop. Stop music. Ce serait inadmissible de rater ça. exits, wondering if I'll stay. Young and restless, living this way, I stress that I won't fall away when the dream dies. The pain sets in and I don't mind. I only feel gravity and I wonder why. Flames to dust, lovers to friends, why do all come to an end. Why do all another place. Yeah, yeah. I wanna leave here. Don't wanna be here no more. All of your chances have come and gone. Girl, I wanted you to change your ways. Girl, I wanted you to stop playing games. But you kept on making, making me cry. Take me to another place. Take me to another place. Take me to another place. You gotta take me to. Life. I gave you everything, but you gave nothing in a return. No, no. Girl, I wanted you to change your ways. Girl, I wanted you to stop playing games. But you kept on making, making me cry. Take me to another place. Take me to another place. Take me to another place. You gotta take me to. Another place, yeah. To take with you another place. I wanna go to another place, yeah, yeah. Take me to another place. Take me to another place. Take me to another place. You gotta take me to. Take me to another place. Take me to another place. Take me to another place. You gotta take me to. bienvenue, vous écoutez Galaxy, c'est le matin, tout va bien. Quand je dis que tout y va bene. Et comme tous les bons week-ends, il y a de bons DJ, en commençant par Jérémy, Jimmy, Pavla, Manhattan, Silver C. Il y aura Claude Monet, Jérôme B, Nico et toute sa bande. Il y aura également Pascal Mancini, Tom Michael Ash, Chris D et D Downs, Steve également. Il y aura Man Ray, Guillaume de Baskerville. Il y aura également Sick et Michael H. Tout un programme, rien que pour votre week-end. C'est ça, c'est 80 personnes au total dans les locaux de la radio. On va écarter les murs. En tout cas, bienvenue, on écarte les murs, on écarte un peu les oreilles, puisque vous allez pouvoir jouer et gagner votre entrée pour les discothèques. Le Bliss, la Bûche, l'Escape, la Jezo, le Pulse Factory, c'est gratuit. C'est bon, vous, c'est sur Galaxy. Votre destination, l'espace infini. Votre vitesse, astronomique. Votre type de rencontre, des astéroïdes. Entre la Terre et la Lune, commence l'aventure. Plus grande attraction de la galaxie.

travailler. Alors, écoute, tous les matins, le seul animateur qui te sort du lit. Putain, tu m'as fait mal. 95.3. Galaxy. One, two, three, four, five.

le Dan Daniel avec le Enjoy the Silence. Et nous, on aime, on est preneurs, on adore tous ces titres-là. Et en tout cas, toujours dans le domaine de la bonne musique, des découvertes également. Avec, par exemple, Arnold T avec Astrolabe, que l'on aime énormément. Et c'est tout de suite. Galaxy. Passion for house. fréquence basse trop élevée. Nous vous souhaitons un bon voyage. Merci.